émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Tal. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap, deuxième soirée avec Tal en pleine forme, vraiment là. Toujours. Au top de la forme. Ça va? Ça va et toi? En pleine forme, tout va bien? Bah ouais, écoute. Un peu fatigué, mais on fait avec. Ah, là, en ce moment, c'est dur. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Et tu vas repartir dans combien? Dans deux mois, maintenant, tu seras de nouveau sur les routes de France. Ouais, c'est ça. Pour une tournée acoustique, 40 dates de prévues de nouveau. Tournée un peu plus légère que la précédente et plus intime. Exactement. Dans des plus petites salles. C'est ça. Voilà, une envie, un besoin de retrouver. Un besoin de proximité avec les fans, un besoin de retourner aux sources. Avec des arrangements très musicales, bah après, très acoustiques. Dire que c'était des grosses dates à chaque fois, c'était des grosses scènes que tu as fait. Bah ouais, c'était des grosses scènes, c'était un gros show, on va dire ça comme ça, avec toutes les lumières, les danseurs, les mises en scène, les costumes, c'était assez grandiose quoi. Donc du coup, puis même les salles, les zéniths, c'est pas rien. Donc est-ce que tu as eu ce petit coup de mou après tournée aussi, où ça s'arrête d'un seul coup? Ouais. Où tu vois plus les gens au quotidien, où tu te retrouves chez toi à la maison. Ouais, ça fait très bizarre parce qu'en fait, ta vie c'est la tournée, ta vie c'est le tourbus, ta vie c'est manger au catering. D'ailleurs, on avait un super bon catering. Je fais un gros bisou à Chouchou et toute son équipe. Ouais, bah, Chouchou, bravo. Et puis ouais, on s'attache aussi aux gens, aux techniciens, à toute l'équipe en fait. Donc on devient une grande famille et c'est assez bizarre quand ça s'arrête. C'est vrai que c'est assez hallucinant. D'ailleurs, vous verrez si vous récupérez le CD qui est sorti depuis hier, le À l'Infini Live Tour, il y a tous les gens qui ont bossé un moment ou un autre, que ce soit pour le CD ou le DVD. Exactement, il y a tous leurs noms. Il y a tous les noms et tu dis, ça fait quand même, c'est lourd. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens entre les techniciens, les danseurs, les musiciens, il y a pas mal de gens. Donc là, ce sera plus intime à partir du mois de janvier avec des dates qui vont passer par Paris 28, 29 mars et peut-être même une troisième. Bah apparemment, alors je vais pas dire de conneries, mais pour avoir plus d'infos, sinon on va sur mon site internet et puis voilà. Mais a priori, il y a une troisième date déjà au Casino de Paris. Il me semble, oui. Donc autant vous dire qu'il faut prendre les places rapidement pour aller voir Tal, que la précédente tournée, c'était les 400 000 personnes qui t'ont vu. Ouais. À chaque fois que tu me dis ça, j'hallucine en fait. Bah 400 000, on a du mal à réaliser en plus 400 000, ce que ça peut être. Mais c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est un truc assez incroyable. 400 000, t'es sûr? 400 000. Bah oui, je suis sûr. C'est un truc de ouf. C'est grosso modo, on m'a dit dans l'oreille, 5 stades de France. Vous voyez le stade de France? Grosso modo, hein. Ouais. Imagine, si je jouais 5 soirs de suite au stade de France, avec 80 000 personnes. C'est dur. Hein. C'est beau. Mais c'est dur à réaliser en fait. Eh ben écoute, que l'aventure continue surtout pour toi Tal. Envoyez avec le hashtag Tal sur Skyrock vos messages ce soir comme hier. Il y a trois propositions. C'est vous qui décidez du programme. Tu feras un live tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, et c'est aux auditeurs auditrices de Skyrock de choisir. Tu veux les annoncer? Ce soir en proposition, on a quoi? Alors, tu nous proposes quoi ce soir? Donc en 1, Tom Ford de Jay-Z. Magnifique. En fait, si tu veux, c'est Tom Ford et Holy Grail. Holy Grail. Comme on avait fait avec Ralph. Normalement Ralph viendra. Crazy de Seal. Mm-hmm. Et Price Tag de JCJ. Ça faisait super longtemps. D'ailleurs, mon premier Planète Rap, je suis venue pour un EP qu'on avait sorti sur iTunes. Mm-hmm. Et il y avait Price Tag dedans. Donc c'est pour ça, en fait, on retourne un peu à mes débuts ici aussi dans le Planète Rap cette semaine. Enfin, je trouvais ça intéressant de faire ça. En fait, c'est une très belle idée. En tout cas, 1 pour Jay-Z, 2 pour Seal, 3 pour JCJ. Vous balancez 1, 2 ou 3. 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock et tout à l'heure, reprise en direct dans l'émission. En acoustique. En acoustique, à pas louper. Fabien est là, on le salue, il sera à la guitare tout à l'heure. Et on va débuter avec un petit replay de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ouais. Pour ton premier Planète Rap, pour ton retour dans Planète Rap, ça donnait ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Elle est de retour pour son sixième Planète Rap. Ouais, je crois. C'est ça, hein. Ça va bien, c'est Tal. Ça va et toi? Bah ouais, bonsoir tout le monde. La tournée, comment t'as vécu? Bah c'est énorme. Première 91 tournée. Dates. C'était énorme. C'était un truc de malade. Ouais, parce que c'est un vrai show hein, sur scène. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur scène avec toi. T'imagines, il y a 400 000 personnes qui ont payé une place pour te voir. C'est un truc de... Je réalise pas du tout. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à remercier toutes ces personnes-là qui sont venues me voir en concert. C'est grâce à eux que je vis mon rêve aujourd'hui. Et mon rêve, c'est de faire de la scène. Et j'espère pouvoir faire de la scène jusqu'à mon dernier souffle. Bonsoir à tous. Je m'appelle Tal. Planète Rap. Planète Rap. qui est venu aussi avec une invitée. C'est ça. Je me suis dit, j'aimerais vraiment l'inviter au Planète Rap parce que j'aimerais vraiment partager avec elle une petite reprise, voilà, qu'on va vous faire ce soir. Et elle s'appelle Irma. Elle s'appelle Irma. Voilà. Ça va, Irma? Et toi? And I know. Oh oh oh oh. Oh. And I know. Oh oh oh oh oh oh oh oh. That is not a dream. Il a chanté par Tal, magnifique. Ouais, j'ai arrêté tout de suite. T'as vu? J'ai pas voulu massacrer ton morceau. To myself, I didn't want you to run. Those pretty faces, all we need is that knock in the crown. And someone kicked you from the punch wrong. That's what's all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Show me I love you. Won't you please tell me? Ah, c'était la reprise d'hier, le Happy de Pharrell, avec les gens qui sont venus ici aussi. On a fait chanter les gens. Ouais. La chorale de les Tal. Les fans. Avec nous entre 20 et 21 ce soir, numéro 1, Jay-Z, numéro 2, Si, numéro 3, Jessie J. Ah, il y a Ralph qui est là. 1, 2 ou 3. Ah bah, il était attendu, il arrive Ralph dans un instant. Donc peut-être la reprise de Tom Ford, à vous de décider. 41, 7, 5, 9, 1, 2 ou 3. Ou avec le hashtag Tal sur Skyrock. On débute avec un morceau du live. Ouais, bien sûr. On y va? Allez, c'est parti. Allez, wanna be starting something? T'as un accent, c'est chaud. Balance le morceau, c'est-à-dire moi j'ai un accent jacksonien. C'est Michael Jackson qui m'a donné cet accent. Mais j'adore parce que tu m'as regardé genre trop mignon. Wanna be starting something? Est-ce que je m'en sors ou pas? C'est ça le truc. Allez, on balance le morceau, c'est parti. Yeah, yeah. The stacking of it all. Yeah, yeah. And Reprise de Michael Jackson Partal, le morceau qui s'appelle Wanna Be Started Something. Something. Non, je rigole, je me prends pas pour une carrière, vous inquiétez pas. Bon, presque. Non, en mais. C'était parfait. Mais Ralph aussi parle bien anglais d'ailleurs. Eh bien, tu peux saluons, dire bonjour. Saluons Ralph qui est là avec nous. Ralph, bonjour. Comment ça va, Ralph? Vas-y, bonjour. Ralph qui t'a accompagné sur la tournée. Il parle super bien anglais d'ailleurs. Je suis bilingue. On se souvient de la reprise d'ailleurs que vous aviez faite ici dans l'émission. Oui, exact, c'est vrai. On en avait fait pas mal. Mais c'est parti kiké là, quand t'as kiké. Ouais, mon frère. Ah oui, avec le frangin. Bien sûr. Sur le Dr. Dre, non? C'est un truc comme ça? Ouais, je pense. C'était un truc comme ça. Ah non, Notorious Big, non? Oui, c'est pas ça? En tout cas, ouais. C'était un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'était un truc comme ça. C'était un truc qu'un riz. Carré. Et donc Ralph est là. Ralph, il a fait partie de la tournée, il était avec toi. Ouais, exactement. Sur toutes les dates. On a fait 91 dates. Donc là, vous vous retrouvez, c'est toujours un moment, voilà, on se souvient de la tournée. De... Ouais. Le catering était bon et on a appris ça tout à l'heure. Ralph est pareil, qui a été, toi, catering, c'était bien. C'est avec Fab, les deux, il paraît que tous les deux. On a pris du poids, en fait. Tous les deux, c'était pas les derniers à lâcher le catering. Hein. Ouais, c'est clair. Mais tout le monde a adoré ce catering. Ouais. Tiens, on parlait des anecdotes de tournée. Si vous aussi, vous en avez, parce qu'évidemment, quand on va à un concert, on a toujours des trucs qui nous arrivent avant, pendant, après. Il y a toujours des histoires. En tout cas, moi, les concerts, il m'est toujours arrivé des histoires de dingue. Ouais. Donc, dites-nous un petit peu ce qui vous arrivait quand vous avez vu Tal. Vous êtes plus de 400 000 à l'avoir vu sur scène. Donc, dites-nous. Ou alors un souvenir de concert. Allez-y, balancez avec le hashtag Tal sur Skyrock. 41 759, vous nous envoyez tout ça et vous nous racontez vos souvenirs de tournée de Tal. Toi, ton souvenir, le premier truc qui te revient en tête sur cette tournée, Ralph? Anecdote ou souvenir? Tout. Ah ben souvenir, il y en a plein. Il y a pas un truc. Peut-être la première fois où je suis monté pour faire mon solo à moi, parce que j'avais un solo sur la tournée où je rappais d'ailleurs. Ouais, là c'était quelque chose. Parce c'est que là j'étais tout seul, il y avait pas Tal à côté de moi, j'étais tout seul et là. Et tu sens tout le truc quoi. Enfin. C'était juste exceptionnel, quoi. Et après, t'as pas envie que ça s'arrête. Voilà. Et sinon, alors, parmi les indiscrétions, les trucs que tu peux nous raconter, ou pas, juste normalement. Avant de, je pense que c'était avant de monter, chanter, m'en aller. Non, pas m'en aller. Waya Waya, voilà. Ah oui, ouais. J'allais monter. Tu me donnes le failli, micro. Voilà, j'ai failli oublier t'as ton micro. Ah, voilà. C'est vrai. J'ai failli oublier ton micro. Pour c'est con. Mais il y avait pas un truc où t'avais oublié le micro? C'était quoi déjà? Je sais plus. Ah non, c'est pas ça, c'est que sur Cash, oui. Ah oui, c'est ça. Je m'en rappelle. En fait, c'est Sarah qui ramène le pied. Oui, c'est ça. En fait, sur Cash, en fait, à un moment, je sais plus ce que je fais, bref. Tu prends ta guitare. Ouais, je fais un truc à la guitare et en fait, donc je chante pas et elle ramène le pied de micro et en fait elle a ramené celui de Kif et Kif il fait 2 mètres. Et le micro il était là. Il était je pouvais pas chanter en fait. Du coup, il pouvait plus chanter. Ah ouais, c'est un... Donc du coup, heureusement que c'était la fin de la chanson et en fait j'ai pas chanté, j'ai fait que donc jouer à la guitare. Mais en même temps, c'est vrai que tu donnes beaucoup parce que tu joues, là on l'écoutait avec Wannabe Starting Something. Ouais. Tu joues la batterie. Ouais. Ouais. Tu testes tout sur scène. Oui, batterie, guitare, piano et. Basse, j'ai pas encore commencé, mais ça arrive. Pas un jour. Ça arrive. Il y a une tournée acoustique qui se prépare aussi. Hein. 40 dates, on vous l'a dit, 28, 29 mars au Casino de Paris. 41-759 pour tous vos messages. Allez-y, vous balancez. Ah bah tiens, il y en a plein qui envoient des messages en disant ouais, moi j'ai vu le jour où je viens, il n'y a pas Ralfou. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est venu hier dans le studio. Ah, voilà. Ah ouais. Le sourire, on se souvient de ton sourire, ta bonne humeur, la positivité à faire les choses, la touche d'émotion sur la tournée. Ouais, dites-nous un petit peu vos souvenirs de tournée avec Tal. Allez-y, 41. Très bien sur Cash. 41-759, le hashtag Tal sur Skyrock. On va écouter un autre morceau. Est-ce que t'as écouté? Non, je voulais te balancer un titre parce que toi, je suis sûr que tu vas aimer. Est-ce que t'as écouté Mark Ronson? Mais alors, je suis fan. Ça te ferait plaisir qu'on le mette ou pas? Mais grave. Je l'ai mis de côté exprès pour toi, cette nouveauté. Ah ouais, mon rêve, s'il te plaît. C'est j'adore une grosse cette nouveauté. Chanson. Alors, Mark Ronson, c'est un producteur juste incroyable. Et un il DJ. Défonce d'ailleurs mon rêve de travailler avec lui. Bah, il a bossé avec Amy Winehouse. Adèle. Il a bossé avec ceux qui aiment le rap avec Ned Dogg, le regretté Ned Dogg notamment. Il est très très bon. Et le mec est super fort. Et là, il arrive avec un album fin janvier. Ouais. Et ça, c'est a priori un des premiers extraits, un morceau qu'il a fait avec Bruno Mars, très funk. Hein, très très funky, et c'est génial qu'ils reprennent des titres comme ça, ça revient. Je l'avais mis de côté exprès pour toi, je me suis dit que t'allais kiffer. Ah, c'est gentil. Allez, on le balance maintenant, vous allez pouvoir découvrir aussi ce morceau si vous connaissez pas encore. Mark Ronson avec Bruno Mars. Voilà, j'étais sûr que ça allait te faire plaisir ça. Oh là là, comment il déboîte ce Mark Ronson avec Bruno Mars à l'instant. L'album arrive fin janvier pour Mark Ronson. Merci de faire jouer ce titre, merci. Ah, il est bon. Hein. Ah, ouais. Je pense que celui-ci, ça va être un des gros cartons là, dans les semaines, dans les mois à venir. J'espère pour eux. Ah, parce que porte plein de bonnes choses. Ouais, c'est cool. Tiens, 31 décembre, putain, celui-ci. Il faut que je note d'ailleurs pour ma playlist du 31 décembre, excuse-moi. Préparer ma soirée. Morceau de Mark Ronson à l'instant, Uptown Funk, c'est ce qu'on écoutait. Il y a plein de messages qui arrivent, ça n'arrête pas de défiler, tu as vu. Ouais, c'est cool. C'est marrant, il y a plein d'anecdotes assez drôles, enfin assez drôles ou pas, parce que je voyais un message de quelqu'un qui t'a vu du côté de Saint-Etienne qui disait: moi, la loue, c'est que j'ai perdu mes clés dans le zénith de Saint-Etienne. Mais non. J'ai mis 3 heures à rentrer à la maison. Arrête. Ah, je te disais, il est arrivé des trucs de fou. Hein. Et tiens. Oh merde. Ah, tu as chopé des M&M's. Hein, à Rouen, c'est Ophélie qui nous envoie ça. Tous les jours j'ai des M&M's, comment je suis trop contente. Des M&M's peanuts butter. Ouais, c'est ça. Ah, c'est trop bon ça. Une fois, une fan, elle me l'a jeté sur scène. Mais t'as ouvert la bouche. J'étais trop contente. Merde. Ouais, allez, continuez à envoyer vos anecdotes, vos souvenirs de la tournée de Tal. Vous étiez plus de 400 000 à la voir sur scène, à voir aussi Ralph qui est là avec nous, avec Fabien qui est là aussi. Oui. Voilà, 41-759 avec le hashtag Tal sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Alors, petit point quand même sur, la proposition et le live que tu nous feras ce soir dans l'émission. Tu avais proposé en place de numéro 1 la reprise de Jay-Z Tom Ford avec Holy Grail. Mais tout à fait. 39% de demande. Choix numéro 2, Silk Crazy, 10%. Mmh. Et numéro 3 actuellement, c'est Jessie J, la reprise Price Tag, 51%. D'accord. Tout peut changer. Bon, Ralph est là ce soir, on va influencer personne, hein. Mais pour l'instant, Ralph est au chômage. Si vous choisissez Jessie J, Ralph ne sera pas là en live. Mais ne les incite pas, il faut qu'il. Non, mais je dis rien. C'est à eux de choisir. Je dis pas, il va s'ennuyer après, Ralph. Mais t'inquiète, on va trouver. Tu feras un petit break dans Price Tag. Aussi. On fera un break de rap dans Price Tag, s'il faut. Bon, bah très bien. Et dans Crazy, il chante aussi. Ah, en fait, il chante dans les trois. Bon, bah il chante dans les trois. Votez pour votre morceau préféré. Un, deux ou trois, tiens, on va faire un petit point ici. 1, 2 ou 3 ici, vous êtes plutôt quoi? Alors, il y a combien de personnes? Même si j'aime bien. 3. Combien de personnes sont pour le. Alors, ouais, levez la main pour levez le 1. La main pour le 3. Pour le 1, Jay-Z. Pour le 1. Ok, 3 personnes. Okay. Numéro 2 pour Seal, Crazy. Ah, 1, bien. Et numéro 3, Jessie J. Et derrière aussi, ça lève les mains. Ah ouais, bah là, c'est. Tu vois, c'est la même chose que les gens qui nous écoutent hein, dans le studio. Ça vote pour Jessie J. Ouais. Ah non, il reste encore un peu de temps, Ralph. Ne t'énerve pas. On peut encore voter 41-759 et on va revenir. On mettra aussi un live dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a dit sur Marché au Soleil? Ouais. Ça te va? Mais carrément. Et bah, c'est extrait du live de Tal et ça arrive après ça. Elle aussi choisit Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Tal, notre invité dans quelques minutes. Ils sont déjà en train de répéter les différents morceaux. Alors on sait pas, c'est vrai qu'il y a une tendance pour le morceau de Jessie J, mais tout peut basculer. C'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez du live de Tal ce soir. Choix 1, morceau de Jay-Z, Tom Ford avec Holy Grail. Numéro 2, Crazy, morceau de Seal. Numéro 3, Jessie J, 41759. Vous votez 1, 2, 3 ou avec le hashtag Tal sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. On avait promis aussi un morceau extrait du live, Tal. Mais oui. Est-ce que tu te souviens ce que j'avais dit avant la pub? Alors, on avait dit m'en aller. Non, marcher au soleil. Ouais, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, 20h26, il y a un moment, je te perds. Mais moi, on perd tout le temps, en fait. C'est un ça moment, le problème. Au bout de 30 minutes d'émission, je te perds. Il y a un truc. Ouais. Mais en fait, je me sens tellement bien ici ma tête, elle est dans les nuages. C'est vrai, tu es relax, tu es loin, tu parles loin. En fait, les gens, ils ont tellement. Bon, rien. Vas-y, continue. Non, rien, vas-y, continue. Non, juste. Donc, on n'en était pas en effet sur le morceau que tu as cité, mais un autre qui s'appelle Marcher au soleil. Merci, Ralph, de suivre. Oh, tu chantes avec moi, Fred? Non. On va l'écouter en live. On l'écoute en live, c'est parti. C'est extrait de À l'Infini Live Tour qui est sorti lundi en CD et DVD avec Tal. Alors, on va faire. Super. Vous êtes prêts à chanter bien fort ou pas? Attention tout le monde! Plus fort la main! Yeah. Ici ce soir le monde était à nous. Y'a rien à perdre, on ira jusqu'au bout. Ouvre les yeux derrière les apparences. Envie de croire à la seconde chance. Et quand tu t'endors, je rêve éveillé. Et sans un effort, nous réinventer. Et le temps passe. Apprends à regarder l'amour en face. Les faux départs, les mots qui font peur. On refait tout, on prend de la hauteur. Et quand tu t'endors, je rêve d'éveiller. Et sans un effort, nous réinventer. Quand on va mal, quand la vie s'emporte, je laisse le hasard. Voilà, c'est extrait du live de Tal qu'on découvre cette semaine. Il est sorti lundi, le CD à l'infini, live tour avec le DVD qui va avec. Et ce morceau Marché au soleil, c'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est ça. Il est très concentré pendant le morceau, en tout cas à la fin du morceau, parce que pendant le morceau, il était en train de répéter. Le live, ouais. ça se précise pour la reprise. On est toujours à 43% pour Jesse J. Okay. Ça remonte un petit peu pour Seal, 18%. Et puis Tom Ford, 39 actuellement, choix 1, 2 ou 3. Allez, on peut voter encore pendant 4-5 minutes. Autant d'écouter le freestyle par téléphone ce soir avec Yanis. Salut Yanis. Ça va, F2L de Sartrouville, ça va bien? Ça va, Tal? Ouais, ça va et toi? Je te présente Tal. Ouais, ça va, tranquille. Mais les présentations sont faites. Yanis, de souvenir de mémoire, tu n'as pas une barbe ni trop de moustache, toi? Tu n'es pas trop. Petite barbe de 3 jours. Ah, petite barbe de 3 jours, ben j'ai un truc pour toi. Cette semaine, tu repars avec le rasoir Click and Style de chez Philips. Et puis je rappelle aussi, ça vous est pouvoir bientôt défier Youssoupha, Cut Killer, et peut-être même les raser pour certains d'entre vous, si vous êtes très fort en jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Tal? Rien. C'était toi le petit bruit là qui est sorti de nulle part? Non, c'est pas moi, c'est rien. Ok, donc j'en étais où? Oui, donc pour venir affronter Youssoupha et Cut Killer, allez faire un tour sur skyrock.com/shaveandplay. Tout est expliqué. Vous allez bientôt pouvoir participer à un concours avec Youssoupha et Cut Killer notamment. Et toi en tout cas, il y a un rasoir Click and Style de chez Philips, hop, pour avoir une barbe magnifique de 3 jours. C'est ton style, Yanis. Et c'est ce qu'on te file dans Planète Rap. Prêt à rapper? Ouais, prêt. Et bah t'as une 30 pour tout défoncer, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ok, a cappella, 1. J'oublie les textes que j'ai écrits, j'en deviens amnésique. Les MC m'ont dit que je suis light et je leur ai ramené ma zig dans le rap. Ils tournent en rond comme un pouce sur un calvitier, tu l'as enfoncé dans un gouffre. Bataka dévissé, marcher dans la merde, ça porte pas bonheur. Regarde, l'âge dedans, j'écris la nuit comme un vampire. Comme arme magique dedans, je faisais en un seul jour ce que tu faisais en 2 mois. Les petits veulent être astronautes, pour être aussi loin que moi. Je me suis jamais mangé de droite. Demande à Jamel, la rue, ça porte la pointe comme t'accrocher le 11 de 2 jumelles. Là, moi, ça casse les boules, pourtant c'est pas un jeu de pétanque. Hey, si tu veux tes sourds, trouve-moi à 10h pétanque. Hey, rassure-toi, même si je ne fais pas de rap, je suis tellement devant toi que c'est impossible que tu me rattrapes. La rue, elle tape son fils, mais t'inquiète pas que j'ai la perceuse. J'ai endormi beaucoup de monde, pourtant j'ai jamais fait de perceuse. Ok, moi c'est Yanis. Tout le monde sait que je m'appelle Sacom. Si mes sons c'est de la buzz, normal que les MC fassent des sacopes. Tu as fait bien, mais ça c'est à l'époque. J'ai appris à compter sur mes doigts, mais pas sur mes potes qui te soient à franchir. Hein, juste une phase finale. Tes nerfs sentent bien que ma phrase fait mal. Bref. Ok Yanis, à l'instant. Bien hein, Ralph, toi qui aime le rap, toi qui kiffe le rap. Bien. Terrible hein. Merci à toi Yanis. Merci pour un petit dédicace. Ouais, rappelle-nous aussi où on peut te suivre un peu partout. Le Twitter c'est YanisF2L. La page YouTube officielle c'est Yanis Elias ou Yanis F2L sur YouTube, c'est pareil. Le Instagram, Twitter, Facebook, Yanis F2L aussi, pareil. Je vais balancer un gros saut vendredi vu que les gens sont connectés, qui va s'appeler L'œil de l'ombre. Donc vendredi, balances ça. Vendredi 20h, je balance le son, je vais suivre avec un clip peut-être la semaine prochaine. Et voilà quoi. Eh bah terrible, merci à toi Yanis. Et puis tes dédicaces? Eh bah on t'écoute pour les dédicaces, vas-y c'est parti. Grosse dédicace à Fabi Rollup, ma manager, on est ensemble. Au compte team F2L, à Hamza et toute son équipe, à Zino Higo aussi, à Yanis, mon petit pote des Indes. Et gros big up à ceux qui me soutiennent et gros big up à Gradure pour avoir partagé son. Eh bah terrible, ouais, j'ai vu qu'il avait balancé ton son Gradure. Ouais, c'est vrai. Et bon, le salut Gradure. Il sera bientôt dans Planète Rap aussi. Ce sera au mois de janvier, entre 20h et 21h. Merci à toi, Yanis. Passe une bonne soirée. Ouais. Le Planète Rap avec salut. Tal toute la semaine. Avec Ralph ce soir. Yes. En featuring Ralph qui était sur la tournée avec toi. Yeah. Exactement. Qui a vu ses 400 000 spectateurs. Choriste et danseur. Cette foule qui te prend là. Ah ouais. Incroyable. Très, très, très, très bonne sensation. Qui a découvert le catering. Hein. Le catering, c'est la cantine hein, avant on fait concerts. Un bisou d'ailleurs à toute l'équipe de la tournée. Yes. Hein. Ah bah, il y a une grosse équipe. Toute l'équipe. Ouais. De Décibel, l'équipe technicien aussi qui sont tellement des amours. Enfin. Toi aussi, t'as eu ce manque, Ralph, quand ça s'est arrêté oui. Parce que Tal a nous raconté tout à l'heure en début d'émission que c'est dur, tu te retrouves à la maison d'un seul coup tout seul. C'est très bizarre, ouais. C'est ça. Ça fait bizarre. Bon, vous vous appelez? Ah bah oui. Oui, quand même. On se voit toujours. Hein, oui, toujours. Ah oui, quand même. Bah, la preuve, ce soir, t'es dans l'émission et il y aura un live dans quelques minutes. On a aussi dit qu'on mettait le sens de la vie. Ouais, yes. Carrément. Et bah, ça, c'est extrait du CD DVD live de Tal et c'est ce qu'on écoute tout de suite. J'ai voulu dormir, mais j'ai fermé les yeux. les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie. Le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. À l'instant, le live, c'est extrait du CD, DVD à l'infini tour. Et ce morceau qu'on écoutait, le sens de la vie à l'instant sur Skyrock, ça, bah, c'est un tout premier morceau avec lequel on t'a découvert, hein, celui-ci. Ouais, c'était après On avance et Waya Waya. On avance, et, exact. Et effectivement, c'est un titre qui fait partie qui a des premiers marché. En tout cas, ouais. Ouais. Et qui fait partie des plus gros cartons aussi. C'est ça. Ça doit faire bizarre maintenant, même quand il y a eu la version avec l'Algérino d'ailleurs. Avec l'Algérino. On veut faire un gros bisou d'ailleurs s'il m'entend. Là, j'ai une grosse dédicace. C'est vrai que ça doit faire bizarre maintenant de le faire en live, ce morceau, depuis la construction jusqu'à la scène. Ouais, ouais, exactement. Bah, écoute, cette chanson-là, on voit toutes les personnes qui chantent, qui connaissent les chansons, les paroles par cœur, pardon. Et ouais, c'est un truc de fou, quoi. De limite, tu pourrais t'asseoir. Ouais. Mais souvent je tends beaucoup plus le micro sur cette chanson que sur les autres chansons, ouais. Tellement les gens la connaissent super bien, quoi. Et il y a certains morceaux que t'as été surpris justement, toi, par, alors peut-être pas des morceaux qui ont été énormément diffusés, mais des morceaux que tu joues sur scène où il y a une attente, une réception assez incroyable. Il y a certains titres où ça t'a fait waouh. Bah, Tombé du ciel, quand je l'ai joué piano voix, je m'attendais pas à... Enfin, les gens, enfin, ils connaissent les paroles et ça, c'est assez hallucinant, quoi, parce que c'est un titre d'album, c'était pas un single. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, bah, les gens qui viennent te voir, ils ont l'album et ils l'ont écouté et ils l'ont bien écouté avant de venir, et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc voilà. Bah, vous continuez aussi à envoyer des messages pour Tal avec le hashtag Tal sur Skyrock. Ça arrive direct dans Studio 41759. Ça y est, c'est fait, hein, c'est clôturé. Voilà, on m'apporte à l'instant même le résultat. Ah oui, serré. Ah ouais. En choix 1, nous avions donc la reprise de Jay-Z, Tom Ford avec Holy Grail, 40%. La numéro 2, Seal Crazy, 19%. Donc ça, Seal, ça y est, c'est fini, on remballe à la maison. Et enfin, oh, choix numéro 3. Non, mais moi, je l'aime bien, Seal. Oui, mais moi aussi, mais là, oh, ce soir, on voilà. Et numéro 3, donc ça, c'est vraiment quelques votes près, 41% pour JCJ. Donc vous nous faites la reprise de Price Tag maintenant. Yeah. Et ça a été limite, on aurait pu faire les deux, hein. Et ça, bah, c'est mon arrivée, pas, tu vois. J'arrive et puis Tom Ford. Ah bah, ça fait, Ralph, tu as fait grimper, voilà, Tom Ford. C'est ça. C'est parti maintenant en live dans l'émission, la reprise. Comme chaque soir, c'est vous qui décidez du programme dans Planète Rap avec Tal. Et Fabien et Ralph. Yeah. Represent. Uh-huh. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. In a world so down when I'm hooked right now, guarantee we'll be feeling all right. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching, ain't about the yeah. Ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and the video hoes. I'm not the only one getting tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we work so down when right now? Guarantee we're bad feeling all right. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying. Tonight is not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching. Ain't about the yeah. But bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Money. World dance, prize tag. Money. We just wanna make the world dance. Forget about the prize tag. It's not about the money. Come on. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the prize tag. Ain't about the cha-ching, ain't about the yeah. Ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah. La-la-la-la-la-la-la. Hey. La-la-la-la-la-la-la. Hey. La-la-la-la-la-la-la. Hey. Price tag. Tout le monde. La-la-la-la-la-la-la. Hey. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Hey. Price tag. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, ain't about the yeah. Ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah. Alright. Hallelujah. Hallelujah. Magnifique, la reprise de Jessie J à l'instant par Tal sur Skyrock. Ah, c'est bien. Moi j'aurais continué comme ça, hein. Vous êtes concentrés. Allez, on continue. It's not about the money. Hey, attention. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Come on, forget about the yeah. Ain't about the yeah. Ain't about the yeah. Be blame. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching. Ain't about the bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah. Voilà. Magnifique. Je suis refait. Merci Tal à l'instant en live dans l'émission entre 20 et 21 tous les soirs. C'est vous qui choisissez de la reprise. Avant de se quitter, tiens, on va finir avec un dernier morceau. Ouais. Extrait du live, M'en aller par exemple. Allez, yeah. Allez, on finit avec ça. On va entendre Ralph d'ailleurs. Yeah. Et bah vous savez quoi, on va vous la chanter par-dessus. Bah, yes. Encore mieux. Parce allez, qu'on est chaud ce soir. Concert tout de suite. Concert live. Une autre date supplémentaire après le gros carton de cette tournée. Ça continue. Yes. Ici et pour vous et dans la France entière maintenant sur Skyrock, Tal et Ralph en live. Yeah. On a pris du public, hein. Ah oui, il y a l'intro et tout. Mais c'est là, bien, là, il faut c'est laisser l'intro. Like a diamond, shine bright like a diamond. Yeah. Ça va toujours Montpellier. Ça avait l'air d'aller. J'aime hein. pas ma voix parler, j'aime pas. Oh là là. Skyrock. C'est hyper long l'intro. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est polie. Merci tout le monde. Qu'est-ce qu'elle est sympa, Natal. Et les gens, ils sont sympas aussi. Ouais, c'est vrai. Surtout eux, là. Je vous aime. Oh oui, je vous aime. Bon, allez, chante mon allée, là. Elle est chiante, celle-là. C'est vrai que là, c'est... C'est long, hein. Merci. Ah, merci, c'est bon. Ouais, bon, ça va. Compris. Désolé, hein. Je t'ai dit, il fallait avancer. Si j'avais su. Ah, ça y est. Ah, enfin. S'évader, vive là encore une saison, une carte d'âme comme horizon, m'en aller, s'évader, vive là encore. S'évader, vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Just to let shit slide, caught a couple lies. I'll shit for when I'm in a caught a couple lies. You was your motherfucker and I was so in your ass. And I guess it was my fault cause I put it on the sky. In public it was happy, in home with a scrappy. Little bit boy nigga, joking, smoking and laughing. Make up to break up, I thought that she beloved. But it wasn't and I know the heart is smoking him on a lid. S'évader, vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon, m'en aller. S'évader, vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. I can spend the week out at Safari. Play you out like Atari. Sacrifice you, Harvey, call me. And I'm sorry. Every single rapper, Dick and Harvey. So you didn't want to spar me, cause I take my repertoire. Mommy, Rory. Reminds me of eating calamari in the Kalahari with the band of Rastafari. So ooh, you shouldn't diss refugees. You won't sound sad, but you s'évader. We've got encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. M'en aller. S'évader. We've got encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. Cry on their prison on again, you never catch me. Wishing all the stuff for some nigga to come bless me. I try to save it, oh yeah, heavy to just trust me. Pushing in my butters, what the fuck mother stress me. Nigga, look at the life, going for the wife. Get the fuck on my face, and if you would buy that knife. And you still calling on my phone, act like it. Asking me for favor, now you going shit there, right? Changer de cap, ne pas avoir peur de prendre la route et jusqu'à ne jamais ça. Changer de cap, ne pas avoir peur de prendre la route et jusqu'à ne jamais s'arrêter. Yeah. Yeah. Mon allée, s'évader. Il y a encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Mon allée, s'évader. Il y a encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Mon allée, s'évader. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Mon allée, s'évader. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Oh, oh, oh, oh. Et voilà le live de M'en aller à l'instant. Tal avec nous. Et Ralph, évidemment, featuring Ralph sur ce morceau. Eh bien, merci à vous pour cette belle soirée une fois de plus. Bah écoute, avec grand grand plaisir. Merci à tous les auditeurs, à Skyrock et aux fans qui sont venus ce soir. À tout le monde, bravo, merci à vous. Wesh Dylan. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement avant de retrouver aussi D-Fool dans un instant. Skyrock t'offre les deux concerts uniques de Cher en France. Émilie de Mazamé, ça va bien Émilie? Oui, bonsoir. Je te présente Tal, notre invitée, elle est là toutes les soirs de la semaine. Bonsoir Tal. Ça va? Oui, ça va. Tu es prête à faire tourner la roulette Émilie? Ouais, plus que concert, prête. Concert non pas de Tal mais de Cher à choper. Allez, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi Émilie sur la case, c'est... Et ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est vrai? Usher, le concert et l'intégrale de Usher, c'est pour toi, on t'envoie ça à Mazamé. Yes! Merci beaucoup! Et bah de rien, bon concert, Émilie! Ouais, merci! Ciao, passe une bonne soirée, salut. Merci! Bonne soirée! Merci bonne soirée. À toi, merci à Tal, merci à Ralph! Yeah. Avec plaisir, merci à Fabien, vous, merci à Fabien! Yes. Et tous ceux qui nous ont suivis demain, tu reviens? Avec grand plaisir! Et bah on t'attend avec impatience juste avant 20h. Pour la suite du Planète Rap, et là on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être arrivé, je pense. Ouais, on est là. Après, il y a une arrivée mouvementée. Oui, oui. Et bonsoir. Prise d'otage à Paris. Oui, Tal, t'es pas au courant, il y a une prise d'otage dans Paris, ouais. Ah bon? Ils ont braqué le magasin Cartier, là, dans le 8ème. Et en fait, les mecs sont partis dans le 15ème. Ils viennent de se rendre à la police, on vient de l'apprendre à l'instant. Ah, ils viennent de se rendre. Ouais. Ah bon, ils viennent de se rendre à la police à l'instant sur le morceau M'en aller. Oui, c'est ça, ouais. Ça. Ils ont profité, oui, peut-être. Autant y aller tout de suite. Ça y est, merde. Donc voilà, écoute, a priori, il n'y a pas trop de blessés, en tout cas, j'espère. Ça a été assez chaud, ouais. Prise d'otage dans le 15e arrondissement. Ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est qu'il y avait peut-être un policier, mais ils n'étaient pas sûrs. Bon, on suivra ça dans les minutes qui viennent. Fred et Romano, impressionnant. Hein. Premier sur l'info. Les infos arrivent directement là, devant moi et on me dit où ils viennent de se rendre dans le 15e. C'est fini. Bon, merci Fredo, c'est tout alors. Hein. Voilà. Bon, puis par contre, pour arriver, donc c'est un bordel, c'est ça? Ça y est, on est là, nous ça va. Oh, très bien. Oui, c'est un peu congestionné, on va dire. Ouais. Il y a le match aussi. Il y a le match à suivre. Pour l'instant, 0-0 entre le PSG et l'Ajax Amsterdam. Tu suis le foot, Tal? Pas du tout. D'accord. Si je te demande par exemple deux joueurs du PSG. Oh, simple. Benzema. Oui, voilà. Benzema et puis quoi? Benzema, oui, Benzema, d'accord. Zlatan. Comme un sur deux. Et peut-être un dernier pour la route. Zizou. Non, Ribéry. Il est plus. Ah, Michel Pla. Ah, tu vois, je suis quand même. Il a quitté le PSG, tu vois. Ouais, voilà. Tu suis bien. Par contre, il y avait Beckham, ça, on se rappelle tous, forcément. Ça, j'ai oublié qu'il était passé, il est resté deux mois avec. Six mois, ouais, il a joué. Bon, merci Tal. Demain soir, 20h-21h, le Planète Rap de Tal, c'est tout au long de la semaine. On va quand même lui dire que Benzema, il joue au Real de Madrid. Ah oui, c'est vrai, oui, la vérification du jeu. Bah voilà, tu vois, il joue pas au PSG. Je m'y connais pas du tout. Mais pour Zlatan, c'était bien. Bon, bah voilà. Voilà, bah écoute l'émission, on va en reparler ce soir, même pour ceux qui connaissent rien. Regarde la Marie, par exemple. Cite-moi deux joueurs du PSG, Marie. Allez, Marie. Bah non, attends, je ne citerai pas. Non, mais c'est grave, ça. Non, mais autant tu dis des joueurs de l'Ajax, tu vois. Non, mais moi, j'ai toujours peur de me planter, donc je ne dis rien. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Non, mais attends, il y en a plein, Marie. Bah, je sais, je suis au courant qu'il y en a plein, je suis en train de m'installer là. Cavalier. Blaise. Ouais. Bah, tu dis. Bah oui. Mais oui. Bon, donc. C'est tellement évident pour eux. Mais oui, regarde. Cours de rattrapage ce soir. On est à 10 minutes de jeu, on suit le match en direct tout au long de la soirée. Par contre, Momo, il les connaît par cœur. Ah, bah ça, oui. Ah, ça, t'inquiète, il connaît, ouais. Il est avec. Bon, on te fait un gros bisou, Tal. Et puis, on te redonne rendez-vous. Demain soir, 20h-21h, le Planète Rap de Tal, c'est toute la semaine, c'est à pas louper. On arrive dans un instant sur Skyrock. Le temps de se faire un petit Black M là. Eh oui, Black M, lequel? Je garde le sourire. Allez, je garde le sourire. Oui, parce qu'on va rigoler ce soir. C'est parti, Black M. C'est bien ça. Et on vous attend en direct au 01 53 40 30 20 jusqu'à minuit, vous nous appelez. On arrive tout de suite. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.